sous le ciel rouge où le vent s'égare. Je marche seul, poussière et mémoire. Des quais de jadis sur la plage glacée, je suis l'ombre du Far West, jamais dompté. Chaque pierre chante quand je frappe le sol, chaque basse tombe comme un vieux viol. Les flammes sculptent mon nom dans la nuit, cow-boy des brumes, cavalier maudit. Les oleriques pleurent, tunnels s'écroulent, les échos résonnent dans les âmes qui s'écoulent. Mon fusil gronde comme un tonnerre ancien, justice sauvage, feu dans mes mains. Leur tour, que l'acier chante jusqu'au dernier jour. Deux voix rugissent, deux âmes s'unissent. Dans le vacarme, le désert se tisse. Les murs s'effritent comme du novembre. Les coffres gémissent, secrets mourants. Je grave ma légende sur leur ruine. Cowboy spectral, poussière du vent. Ne comprends pas, la poussière parle, le feu répondra. Un cavalier perdu entre deux airs, Far West et Rust liés dans la guerre. Le ciel s'ouvre en corolle de flammes, les clans se brisent déchirés dans l'âme. Riders Kill chante sur des cendres d'acier, un poème d'ombre à jamais gravé. Rust on fire, shadows ride, cowboys ghost, nowhere to hide, rider's skill, eternal flame, in the ashes stays my name. Quand vos murs s'écroulent, j'existe encore dans chaque poussière. Résonne mon accord.